Autre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Paparatin, mon pote. Bonjour et bienvenue dans la courte échelle du jour, le dernier numéro de cette saison 2021-2022. Une saison pleine de nouveautés, pleine de surprises, pleine de titres d'artistes indépendants et émergents, comme on dit, du monde entier. Alors pour terminer cette saison en beauté, eh bien je vous propose encore des nouveautés évidemment, mais aussi des exclusivités, comme par exemple le dernier titre en date de Terry Vallant, Sans bruit. Ce titre sortira à la rentrée de septembre, il est d'ailleurs programmé dans le premier numéro de la rentrée de la courte échelle. Je vous le propose en exclusivité dans la courte échelle du jour. On passe dans la rue, on passe inaperçu. Noyé dans la masse au milieu de la foule, on passe, on trace son chemin, on trace son destin. Comme noyé dans la masse au milieu de la foule, on trace. Et quand le temps s'arrête, comme d'un coup de baguette, c'est magique. On berce les illusions, on berce les intentions, et puis on se disperse avec les promesses qui nous bercent. On brasse les secrets, on brasse les idées, bien dans sa carapace au milieu de la foule qui passe. Une seule silhouette nous fait tourner la tête, c'est magique, trop magique. Sans bruit la foudre en douceur, frappe sans bruit direct au cœur. Sans bruit, sans lueur, sans éclair, elle donne sans bruit, sans tonnerre. Sans bruit coule la vie, nous nous aimons sans bruit. On blesse sans le vouloir, on blesse sans le savoir. Et si l'on nous adresse des réflexions, des mots qui blessent, on souffre dans le silence, on souffre de vos absences. Et quand soudain elle passe dans cette foule qui s'entasse, on est comme à la fête, devant sa silhouette, c'est magique, trop magique. Sans bruit la foudre en douceur, frappe sans bruit direct au cœur. Sans bruit, sans lueur, sans éclair, elle donne sans bruit, sans tonnerre. Sans bruit la foudre en douceur, frappe sans bruit direct au cœur. Sans bruit, sans lueur, sans éclair, elle donne sans bruit, sans tonnerre. Sans bruit coule la vie, nous nous aimons sans bruit. Un seul regard suffit quand on s'aime sans bruit. Dans le silence infini, nous on s'aime sans bruit. Exclusivité La Courte Échelle pour ce dernier numéro de la saison. Terry Vallant avec Sans bruit. Le titre paraîtra en septembre prochain. Un autre très beau titre interprété à présent par Caro Laurando dans la courte échelle du jour, Les mots de chez nous. Le titre avait été fait un peu pour célébrer la fête nationale québécoise le 24 juin dernier, c'est-à-dire la semaine dernière. Nous vous le proposons en exclusivité également dans la courte échelle. Sans bruit coule la vie, nous nous aimons sans bruit. Un seul regard suffit quand on s'aime sans bruit. La Grande Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Autre nouveauté, La Courte Échelle, le dernier single en date de Frédéric Arnault qui est sorti le 10 juin dernier. Il a pour titre Infidèle. La Courte Échelle. Je sais que la place est prise. sait que la place est prise. À mon tour, je me libère de ton emprise. Les désirs s'affichent en mode virtuel. C'est mes amis. Encore une nouveauté dans la courte échelle du jour. Vous l'avez sans doute découvert lui aussi dans cette émission. Il s'appelle Thieu et son dernier titre en date, c'est Le Faiseur de Parapluies. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Plus bas, l'anstylogrive au moineau. Plus bas, j'attacherai mes chats s'il le faut. Rase-moi mieux que ça. Faites-moi pleuvoir des tonneaux, des trombes à vous tremper les os. Comment puis-je faire des affaires quand il fait un soleil radieux? Toutes les ombrelles la mer sont mortes avec nos aïeux. L'insolation, je prends les paris, aura raison des plus vieux. Plus vieux, vous avez dit, plus vieux? À vos échelles, l'instil aux grenouilles de son cerveau, mes belles, je veux vous voir toutes grimper au barreau, viser le ciel. Faites-moi pleuvoir des tonneaux, des trombes, à vous tremper les os. Gamin déjà, j'avais mon père confectionnant des parapluies. Tant que pépins démentiels, c'est le fruit de toute ma vie. Mais son usage est devenu rare, plus que tirer l'eau du puits. L'eau de puits, vous avez dit, de l'eau de pluie? A cappella, il chante les fleurs. Les oiseaux, la la la, ils chantent consciencieusement faux. Arrosez-moi ça, faites-moi pleuvoir des tonneaux, des trombes, à vous tremper les os. J'aimerais avant de mourir jouir de chèvres sous la pluie, les rues gorgées de passants se promenant sous les parapluies. Il y aurait des rouges, des jaunes, toutes les couleurs de la vie. De la vie, toutes les couleurs de ma vie. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants, chaque semaine des talents à découvrir. L'essentiel, c'est Corentin Simon et De la vie générale. La chanson et le clip sont aussi magnifiques l'un comme l'autre et je vous invite à les découvrir sur les réseaux sociaux. Et avoir peur pour elle, l'essentiel, c'est de toujours l'aimer sans rien attendre en retour, comme au premier jour. C'est toujours continuer de croire et de rêver, la lancer vers le ciel et la trouver belle, l'essentiel, l'essentiel. La regarder grandir et moi me voir vieillir, je suis pas éternel. La lancer vers le ciel et la trouver si belle, mon essentiel. La lancer toujours un peu plus haut dans le ciel. La regarder partir, mais toujours la soutenir. Va-t-elle revenir à l'âge des premiers amours? Mon cœur compte à rebours, mais sans détour. C'est toujours l'aimer sans rien attendre en retour, jour après jour. Et lui rappeler parfois que je serai toujours là pour la lancer dans le ciel et la trouver belle, l'essentiel. L'essentiel, la regarder grandir et moi me voir vieillir, je suis pas éternel. La lancer vers le ciel et la trouver si belle, mon essentiel. La lancer toujours un peu plus haut dans le ciel, sans rien attendre en retour, comme au premier jour. Et lui rappeler parfois nos jeux d'autrefois. Je la trouvais si belle, mon essentiel, l'essentiel. Je la trouvais si belle, mon essentiel, l'essentiel. La regarder grandir et moi me voir vieillir, je suis pas éternel. La lancer vers le ciel et la trouver si belle, La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Si vous propose également un clip magnifique de la vie de ses supporters, voici Reaching Out. Thank you. Roxane Arnal fait ses premiers pas sur scène alors qu'elle n'a que 16 ans avec un duo. En 2018, elle approfondit son identité musicale grâce à un échange tout particulier avec le pianiste Baptiste Bailly. Et les voici tous les deux avec Little Bird. La courte échelle. Gisla N travaille depuis plusieurs mois son premier album studio qui sortira à l'automne prochain. Nous avons déjà écouté dans la courte échelle en mars dernier Je marche, un premier extrait de cet album. Voici à présent le titre éponyme de l'album pour vous, Danser sous les bombes. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Pour venir chanter le printemps, ne crois pas les mauvaises langues qui viennent te dire le contraire. Il y aura toujours ces airs dansants, comme dans une valse à trois temps. N'écoute pas les sérénades qui brassent des avenirs mortifères. Il y a dans les gazouilles des mômes bien plus de prières que tu ne trouveras même pas dans le plus grand des prévières. Sois fou mais pas dément, naïf mais pas niais, sois galant mais pas gâteux. Sois roi de tes douleurs pour mieux rêver sous les bombes. Il y aura toujours un sourire pour faire danser tes humeurs. N'écoute pas ceux qui disent seulement que le futur se meurt. Sois généreux sans attendre ni génuflexion ni hommage. Pars-toi de tous tes rimels. Fais-toi beau comme un émir, comprends rancard avec le ciel. Ranime tes éloges en chanteur. Sois roi de tes douleurs pour mieux rêver sous les bombes. Pour mieux marcher sous les bombes. Pour mieux aimer sous les bombes. Pour mieux danser sous les bombes. Pour mieux danser sous les bombes. Pour mieux danser sous les bombes. Pour mieux danser sous les bombes. On ira danser sous les bombes. On ira tanguer sous les ondes. On ira briller sous vos ombres. Il y aura de l'amour en trombe. On ira danser sous les bombes. On ira tanguer sous les ondes. On ira briller sous vos ombres. On ira. Toujours un flocon léger pour venir velouter l'hiver. Comme un équilibre stationnaire qui dit l'endroit et l'envers. Si tu prends tes jambes à ton cou pour que le tunnel t'offre son bout, cours et cours encore, voltige lentement petit frère. Tu aimeras, tu pleureras, tu gagneras, puis tu perdras. Alors vie donne, savoure, prends ton temps. Écoute toutes tes résonances, perds pas le sens des évidences. Puis laisse ton cœur battre la cadence, même sous la fureur des semonces. Avance dans ton échappée, vole encore quelques ruées pour pouvoir rêver sous les bombes. Quel que soit le bruit des chapelles qui de nous s'embattent les baloches. Les rois dans leur tour de Babel qui tirent la dîme de nos poches. Peu importe le bruit féroce qui nous fait trembler pour nos gosses. Y aura toujours un poème pour lever la vie sous nos phonèmes. Y aura toujours un peu d'amour pour raviver nos bas de laine. Car la vie aime ceux qui s'aiment, elle se façonne des légis saines. On ira danser sous les bombes, on ira tanguer sous les ondes, on ira briller sous vos ombres, il y aura de l'amour en trombe. On ira danser sous les bombes, on ira tanguer sous les ondes, on ira briller sous vos ombres, on ira, on ira, on ira danser sous les bombes, danser sous les bombes. Danser sous les bombes, on ira, on ira. Il y aura toujours un coq fort et fier pour chanter le lever du jour. Tant qu'il y aura des troubadours, des faiseurs de clair et de flou. Tant qu'on s'enrôlera tour à tour pour une place dans la nef des fous. Le chant des cigales dans les garrigues sifflera sur vos bravoures. Malgré les sirènes qui nous alarment, vous surpasserez les bavures. L'espoir te bercera autant que le vent nous emportera. Et même si le temps est un coup pareil, de loin on te contemplera. Sois utopiste mon fils, comme pour décrocher une étoile. La courte échelle. Chaque semaine des talents à découvrir. Ouais, yes. Enter in the scene of the crime. À l'extrait du second album de January Sons qui est sorti en avril dernier, voici Happiness Was Here. The evidence is overwhelming. Happiness is gone, but happiness was here. It won't disappear without a trace. I'm ready. shape-shifting signs leading to a light, a mesmerizing light, a driveway to names on the door. Happiness was gone, but happiness is here. It won't disappear without a trace. NCK est auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste autodidacte. Il est originaire de Moucron en Belgique. Il nous propose à contre-courant. Courte échelle. La douleur, tes regrets qui te dévorent. T'es pas la cause, il en possède tous les torts. Laisse-moi te guider sans aucun effort. Je veux qu'on soit corda dans un nouveau décor. Plus que ce que l'on est maintenant, à contre-courant, loin des vendeurs de rêves et de tous ces bien-pensants. Toi c'est moi c'est toi, rien que nous depuis c'est tout. Toi c'est moi c'est toi, rien que nous depuis c'est tout. En toi, j'aimerais penser tes blessures, t'en es loin de là. Moi, tout ce que je te donne, je ne reprendrai pas. Y'a tellement de bonnes choses qui se cachent en toi. Ensemble, pas d'adieu, pas mais à tout le bas. Je te fais goûter aux délices, la Dolce Vita. Moi, je serai rien qu'à toi, t'inquiète pas pour ça. Je te veux où que tu sois, mi señorita. Jamais loin de toi. Et l'on pourrait être tellement plus que ce que l'on est maintenant. À contre-courant, loin des vendeurs de rêves et de tous ces bien-pensants. Toi c'est moi c'est toi, rien que nous depuis c'est tout. Toi c'est moi c'est toi, rien que nous depuis c'est tout. plus que ce que l'on est maintenant. À contre-courant, loin des vendeurs de rêves et de tous ces bien-pensants. Toi c'est moi, moi c'est toi, rien que nous depuis c'est tout. Toi c'est moi, moi c'est toi, rien que nous depuis c'est tout. Une nouveauté encore pour Or Koskaz, tu te débloques. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Planète Bolingo, ses quatre auteurs, compositeurs et interprètes. Il y a d'abord Nina Fox qui est originaire du golfe de Saint-Tropez. Simon Jackson est originaire d'Avignon. Il y a Fabien Richard qui est né à Bourg-Saint-Maurice. Et Sanchez Parra qui est né au pied du Mont Ventoux. Les voici avec leur tout nouveau titre. Ça s'appelle Détruis-moi. La courte échelle. Sourire, je meurs. Sans tes caresses, je pleure. Et partout ton odeur, le fruit de toutes mes peurs. Crie-moi que tu me détestes. Souille-moi de ta tristesse. Je serai tes caresses. Je serai serait ton ivresse. Détruis-moi à petit feu, défonce-moi pour que je puisse ne serait-ce qu'un peu toucher du doigt le mal que je dévie. Laisse-moi me traîner à tes pieds, que je sente dans mon ventre les souvenirs qui te hantent. Si de partout j'ai séduit, que j'étais dans mes errances, depuis que t'es parti, j'ai choisi la démence. Je sais même plus manger, je ne vis que pour les enfants, ces petits bouts de toi, nos souvenirs béants. Sombrera ensemble dans les courants contraires. Si j'ai pas su t'aimer, je te supplie de croire que mon cœur a serré sur cette dernière note d'espoir. Que mon cœur a serré. Détruis-moi à petit feu, défonce-moi pour que je puisse ne serait-ce qu'un peu toucher du doigt le mal que je t'ai. Laisse-moi me traîner à tes pieds, que je sente dans mon ventre les souvenirs qui te hantent. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Quand le goût salé des larmes, ce sera adouci, que le doux vacarme sera rangé dans une boîte à souvenirs qui nous pincera le cœur autant qu'elle nous fera rire. Noum et Noé Talbot, coup de soleil assez de saison. Ou d'autres séries nous fera plus regarder notre messagerie en pensant à tout ce qu'on a laissé en arrière, à ce divan vide et à ces tièdes hiver. Pense à nous, pense à nous. T'es le plus beau coup de soleil de ma vie. Pense à nous, pense à nous. Je t'en prie, souris, si tu penses à nous. J'ai tellement de nœuds dans l'estomac que mon petit cœur se fait des bras à vouloir grimper, prendre de l'air. L'effroi me tient si fort ce matin. Le vide, l'absence prennent tout leur sens quand on se sépare de ce qui remplissait notre vie, puis qu'on espère tellement que ça soit pas fini. Je pense à nous, je pense à nous. T'es le plus beau coup de soleil de ma vie. Je pense à nous, je pense à nous. Et même un sourire triste n'arrive pas à cisser sous mes joues. Les discussions sont vaines, on est là. quitter en se disant qu'on s'aime. L'amour ne suffit pas. L'album du groupe Papel Mojado se terminera fin 2022. Ils nous sortent régulièrement depuis avril dernier des extraits de cet album. En voici un pour vous, ça s'appelle Monde d'après. Le rendez-vous des artistes indépendants. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. C'est pas le début d'une nouvelle ère. Bienvenue dans mon monde, je suis toujours avec mes frères. Vivement l'album, version 2.0, sans renier le passé. On prend les mêmes et on recommence, t'as capté. L'an 2 après le Covid, y'a rien qui change. Jouer pour des chaises vides n'a pas vraiment de sens. Ne parle pas du monde d'après, on est restés les mêmes. Tout sonne faux chez toi, même tes je t'aime. Et si je suis pas de retour, c'est que j'étais pas parti. Je vais te parler sans détour, peu importe ton avis. Je suis dans une triste fête où chacun joue un rôle. Mais tôt ou tard ça pète si l'on se soigne à l'alcool. Je préfère fermer les yeux, même si j'ai pas sommeil. Aznavour a tort, elle est pas plus belle au soleil. Pas toujours à ma place, je souris poliment. Pas toujours à ma place, je suis là mais absent. Pas toujours à ma place, j'ai beau faire semblant. Pas vraiment à ma place. Ce soir j'oublie tout, je fais table rase. Je préfère mourir debout sans retour à la case départ. Un homme parmi les loups qui écoute pas toutes vos lois. Si c'est les échecs, je suis le fou toujours à côté du roi. Comme dans le monde d'avant, c'est toujours des promesses. Mais dans le regard des gens, y'a toujours autant de tristesse. Je devrais mourir pour mieux renaître, partir pour me connaître, pleurer, mais j'ai pas le droit. On savoure les victoires et les bons moments. Nos sentiments, on ne dit pas. Entre hommes, on se comprend. Dans une triste fête des réseaux et des écrans. J'ai pas demandé à y être, mais comment on faisait avant. Je préfère fermer les yeux, même si j'ai pas sommeil. Charlator, elle est pas plus belle au soleil. Pas toujours à ma place, je souris poliment. Pas toujours à ma place, je suis là mais absent. Pas toujours à ma place, j'ai beau faire semblant. Pas vraiment à ma place. Dans le regard des gens. Et voici une nouveauté signée Kate Dan, Milk and Beer. Vous écoutez La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants chaque semaine des talents à découvrir. Milk and beer don't go together. Milk tastes fine. The beer tastes better. Feel like a sheep dressed up in leather. Milk and beer don't go together. I got a wife and I've got children. Got a head full of holes and I can't fill them. I got a room full of monsters and I can't kill them. Try not to spill. Milk and beer don't go together. heart is full of good intentions, beautiful thoughts and strange inventions, but evil deeds get more attention. My heart is full of good intentions. Milk and beer don't go together. Milk tastes fine, but beer tastes better. Feel like a wolf, dressed up in feathers. Milk and beer don't go together. C'est le groupe Shimai qui va terminer cette émission. Baignant dans la musique depuis leur plus jeune âge, les deux frangines Emma et Lana ont débuté en revisitant tout en douceur et avec un style qui leur est propre, le répertoire punk, rock, ska, chansons alternatives des scènes françaises et japonaises. Au fil du temps, elles ont enrichi cet univers musical de compositions originales, multi-instrumentistes. Elles teintent leurs chansons de leurs influences variées, cherchant à délivrer un message ardent d'humanité. Les voici avec le poète Shinai. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. D'avoir couru après l'envie, il se tient debout sur le bord de la route en attendant un taxi pour la prochaine sortie. Il se dit prêt à embarquer, rien n'en soute. Il pèse toujours, jamais une économie, ses mots. Il est retour dans tous sens, se demandant ce que la vie vaut. Et là-haut, il y a des rimes en semences. Point l'obsède pour qu'il refuse de se défaire du langage des poètes. Et finalement c'est souvent qu'il cède, à des rêves en bourgeon ou à des sornets. Même s'il deal avec ses démons dans les plus belles forêts métaphoriques, personne ne lui en a fait un sermon, car il sait jongler avec la musique. D'avoir couru après l'envie, je me tiens debout sur le bord de la route en attendant un taxi pour la prochaine sortie. Je suis prêt à embarquer, rien n'en soute. Je pèse toujours, jamais je n'économise mes mots. Je les retourne en tous sens en pensant à ce que la vie vaut. Et là-haut, il y a des rimes en semences. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette saison 2021-2022. On se retrouve dans les derniers jours du mois d'août, le 29 exactement, pour une nouvelle saison, la quatrième de La Courte Échelle. J'espère que tout au long de cette saison, eh bien, vous y avez trouvé votre compte de découverte. Je vous souhaite de très bonnes vacances et n'oubliez pas, gardez le sourire et soyez heureux. Je continuerai de vous écrire des chansons pour que jamais ne s'arrête la musique. Votre instant d'évasion, la courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.